Un jour sur mon camis, rencontrer un pauvre homme. Un jour sur mon camis, rencontrer un pauvre homme. Ah, quel pauvre homme s'appelait Pierronnet. Juste un bras pour un panier. De dins aquel panier, yo de vieilles lanternes. De dins aquel panier, yo de vieilles lanternes. Dins aquelles lanternes, yo tres cuillers d'argent. Per fondre de vanas de bio. La sala del festín, ero dins un estable. La sala del festín, ero dins un estable. Lo viu lunaire, dai plage que pregnò. Mangiava de clavel rostits. De just un banastu, yo un ase que cuga. De just un banastu, yo un ase que cuga. Se ne cugava de boule de canu, per fai de dalas de capel. Luscan fa la cançó, son dos o tres bondrios. Luscan fa la cançó, son dos o tres bondrios. L'hai composado giù lo pont d'Avignon. Un tambe de viedas e pescavo de buffet.